Consultez la programmation des spectacles à venir sur levaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi avec une formation italienne qui a pour nom Karma Moy. L'album s'intitule Strings from the Edge of Sound. C'est un album finalement qui est un peu comme un résumé du parcours du groupe parce qu'il y a 5 pièces qui ont été revisitées avec un orchestre, 5 pièces d'albums précédents revisitées avec un orchestre et 4 nouvelles pièces. Et on présentera une version de Room 101 qui est parue sur l'album du même nom en 2021, 5e album studio pour la formation italienne. Et puis on aura aussi The Chronicles of Father Robin, ce fameux groupe norvégien qui a fait parler de lui depuis quelques mois. On aura un troisième extrait de l'album The Songs and Tales of Area, Book 1. Et puis Marc, par la suite, on demeure en Scandinavie. Oui, on peut dire ça comme ça, en Scandinavie et en Espagne, puisqu'il s'agit du duo Rafael Pacha, qui est un Espagnol, et Kimmo Porsti, qui est un Finlandais. Donc, on aura un nouvel extrait de l'album Sea of Mirrors, dont la parution est prévue pour le 18 octobre prochain. Et on aura la pièce d'ouverture, qui a pour titre Sailor's Tale. Et ce sera suivi d'un premier extrait, le premier simple, du nouvel album de Bruce Sword, qui a fondé la formation de Pineapple Thief. Alors, Bruce Sword et son album Luminescence, qui paraîtra le 22 septembre. C'est son troisième album solo. Et on aura pour vous la pièce Nestle In. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec une nouvelle pièce de la formation italienne Karma Moy. We'll be right back. Got a light. We will crash.

Mission Impossible et Bilan Mortel, première partie, La Montagne, Oppenheimer, Psychopass, Providence et Le Temps d'un été. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Pour entamer cette nouvelle demi-heure, on a une nouveauté qui nous provient de France. Un extrait d'un album qui a pour titre The Light Maker, et c'est la formation française Nine Skies qui va nous proposer ce disque le 18 septembre prochain. Pour ce quatrième album studio, le groupe a invité plusieurs musiciens à contribuer, dont notamment Riccardo Romano de la formation italienne Rain Strain, ainsi que le réputé batteur Marco Minman, et on retrouve aussi le guitariste et chanteur John Mitchell, qui fait notamment partie de Arena, Frost et It Bites. On va d'ailleurs écouter dans un premier temps la pièce The Architect avec John Mitchell comme invité, et on vous présentera aussi The Dreamer, un autre extrait de cet album The Lightmaker. Et Marc, par la suite, on se dirige vers le Royaume-Uni. Oui, en effet, ce sera un extrait de l'album en spectacle de la formation Life Signs Live in the Netherlands. C'est un album double paru le 3 juillet. On sait que Life Signs ont fait paraître 3 albums en carrière, soit en 2013 avec l'album éponyme, en 2017 avec Carlington et en 2021 qui est leur plus récent, et l'album Altitude. Donc ce nouvel album en spectacle fait une belle rétrospective de la carrière de cette formation qui a été fondée par John Young. On aura pour vous ce soir la pièce Shoreline, mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec la formation française Nine Skies. Spent my life building to feel like an irrational fear of the void to feel. What will remain when I'm gone? Or is all this real? What will remain when I'm gone? Feelings, illusions, truth, meanings, delusions. Calls across all three. carrying our message towards the land of sun. Everything our belt can destroy or make it your own. My love building, feeling like an irrational fear of the void. This, all this feeling, what will remain when I'm gone? Feelings, illusions, truth, meanings, delusions. Aren't we all the same? Are we so different in the end?

between our lives and common sense. The present holds the signs of where we fall. Take me from this place. I can understand your feelings, but they hold me deep inside. I won't look towards the future. I can take your foolish pride. Touch the air the creed that now enfolds us may shake us to the core, but these days of light define us. Let us hope for many more. And as we touch the difference between our lives and common sense, presence holds the signs of where we fall. Amongst the other occupants who find themselves in residence, the words you say don't mean that much at all. So say. We'll be right back.

Bonjour, c'est Malcolm Smith d'Isobar et vous écoutez Terra Incognita en direct de Québec. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation ukrainienne Sunchild et ce sera tiré de l'album As Far As The Eye Can See, paru en 2011. C'était le quatrième album pour cette formation qui compte maintenant 9 albums à son actif, dont le plus récent est paru cette année. Et c'est une formation qui a été fondée par Anthony Kalugin, qui se passe maintenant de présentation puisqu'on présente souvent les œuvres de ce prolifique musicien ukrainien. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va avec une formation très connue de la Suède. Oui, une formation qu'on a eu le grand plaisir d'accueillir dans le cadre du festival Terra Incognita cette année, non pas pour un concert, mais pour deux, vous avez bien reconnu, Annick Dutton, qui en mai dernier a présenté un premier concert qui est un concert consacré à son tout premier album V-Mod, paru en 1993. C'était donc un concert anniversaire et on peut dire même un concert 30e anniversaire, donc 1993-2023. Et puis, ce soir, on va écouter un extrait du dernier disque studio à ce jour, Until All the Ghosts Are Gone, paru en 2015, et ce sera la pièce Our Days Are Numbered.

me alone. Another time, another place, another door. No one can say what's right. We always want to more. Another face, another road. Bright light, deep a hole. Nice to sight, the fancy door. Somewhere else in UK. Ce soir, on a choisi un extrait de l'album Future Hopes, paru en 2017, et c'est le 7e album de la formation norvégienne White Willow, et ce sera la pièce Future Hopes. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine pour notre première émission automnale. Oh, que ça fait mal dire ça, mais c'est automnal quand même. C'est plus estival. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.